Même quand tout n'est pas parfait, tu nous permets encore d'avancer. Tu rouvres un chemin pour ceux qui pensaient avoir manqué. La nuée se lève ou demeure, et le peuple apprend à attendre. Parfois marcher, parfois rester, toujours apprendre à te dépendre. Tu nous montres que l'obéissance est parfois dans l'arrêt, pas seulement dans l'élan. Quand tu avances, nous avançons. Quand tu t'arrêtes, nous nous posons. Sous ta nuée, dans ton feu, même sans comprendre, nous te suivons. Quand tu avances, nous avançons. Quand tu t'arrêtes, nous apprenons que suivre Dieu, ce n'est pas courir, c'est marcher au rythme de ton nom. De jour la nuée couvre nos pas, de nuit le feu éclaire nos peurs. Tu n'abandonnes jamais la route à la seule force de nos cœurs. Et même quand nos impatiences voudraient forcer nos lendemains, la nuée reste la seule autorité qui dise quand lever le matin. Quand tu avances, nous avançons. Quand tu t'arrêtes, nous nous posons. Sous ta nuée, dans ton feu, avance, nous avançons. Quand tu t'arrêtes, nous apprenons que suivre Dieu, ce n'est pas courir, c'est marcher au rythme de ton nom. Nous sommes en sécurité.